était, j'ai dû s'allumer ta chambre. Tu étais là. D'en face, même si au téléphone il n'y avait personne, c'était faux. Car je t'ai vu passer sans me regarder dehors. J'ai cru mourir. Car tu donnais la main à mon vieux copain. Ne sais-tu pas, ne vas-tu pas de moi. Je t'adore, bien plus que ce gars-là. Et j'oublierai la peine de toi. Tu m'appelles, et je t'en prie, ne ris pas. Même si au téléphone personne, c'était faux. Car je t'ai vu passer sans me regarder dehors. J'ai cru mourir. J'ai cru mourir. Car tu donnais la main à mon vieux copain.